Marrakech, Paris, Bruxelles. On vient nous célébrer. Nairobi, Osaka, Montréal, Kinabel. On vient nous célébrer. Cape Town, Town, Washington, Conakry. On vient nous célébrer. Chinatown, j'ai su la voix dans le désert qui crie. On vient nous célébrer. De toute force, j'ai donné car c'est ainsi qu'il est écrit. Enfin, j'ai comme ça. Dans le tunnel, notre Dieu, chantons dans son lot pour mon aïe. Y'a Zanzambé, y'a Bumwanité. Il est le Dieu de l'air d'ici. Enfin. Les sœurs, que le Seigneur vous bénisse maintenant, c'est au tour des frères, allons-y. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, yeah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Every day, every time, we celebrate the Lord. Oh, yeah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. We rise in your name. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Jésus reviendra pour répondre son église. La trompette sonnera. Il est Jésus, est mon ami, mon ami. Et tous les jours, c'est mon ça. Ami, mon ami, et tous les jours. Jésus est mon ami, de tous les jours. Yeah.